Des paroles bonnes et bénéfiques de l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab expliquant le sens du tawhid. Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah dit dans le chapitre Sens de la ilaha illallah. Sache qu'Allah te fasse miséricorde que la parole de la ilaha illallah est la haute, noble et précieuse parole. Celui qui s'accroche à celle-ci est saint et protégé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque dit la ilaha illallah et mais croit en ce qui est adoré en dehors d'Allah, ses biens et son sang sont protégés, et son compte est auprès d'Allah. Rapporté par Muslim. Le hadith explique que la ilaha illallah est une prononciation et un sens. Mais les gens se divisent en trois catégories sur cette parole. La partie qui la dit et l'applique, et sait qu'elle a un sens et l'applique, qu'elle a des annulants et s'en éloigne. Le parti qui la prononce dans l'apparence. Ils ont enjolivé leur apparence par la parole et ont dissimulé la mécréance et le doute. La partie qui la prononce, mais n'applique pas sa signification, mais pratique les annulants. Ce sont ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Le premier parti est le parti sauvé, ce sont les vrais croyants. Le deuxième parti est le parti des hypocrites. Le troisième parti est le parti des associateurs. La ilaha illallah est une citadelle, mais les associateurs ont installé les catapultes du démenti qui projettent les pierres de la destruction. L'ennemi les a alors envahis, il s'est accaparé le sens de cette parole et leur a laissé sa simple apparence. Dans le hadith, Allah ne regarde pas chez vous votre apparence ni votre corps, mais il regarde votre cœur et vos œuvres. Ils ont crucifié le sens de la ilaha illallah et n'ont laissé que le son de cette parole et une écriture sans aucun sens. Et celui qui invoque la citadelle en absence de la protection est identique à l'invocation du feu alors qu'il ne brûle pas, l'invocation de l'eau alors qu'elle ne noie pas, l'invocation du pain alors qu'il ne rassasie pas, l'invocation du sabre alors qu'il ne tranche pas. Et il en est de même pour l'invocation de la citadelle alors qu'elle ne protège pas. La parole est de l'épluchure et la signification est le noyau. Et que faire du coquillage en l'absence de la perle? La signification de la ilaha illallah est comme l'âme par rapport au corps. On ne tire pas profit d'un corps sans âme. Il en va de même pour cette parole, dont on ne tire pas profit sans son sens. Les bons savants ont pris cette parole avec son apparence, son contenu et sa signification. Ils ont embelli leur apparence par la parole et leur fond par sa signification. Et Allah a témoigné d'eux lorsqu'il a dit « Allah a testé aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui, le puissant, le sage. » Sourate 3, verset 18. Les mauvais savants ont pris l'apparence de cette parole dans sa signification. Ils ont enjolivé par la parole leurs apparences. Et leur fond est de la mécréance, par la croyance dans celui qui ne fait ni mal ni bien. Les cœurs sont noirs et obscurs. Allah ne leur octroie pas de discernement afin qu'ils discernent leur mal du bien et le jour du jugement, ils resteront dans les ténèbres de la mécréance. Dieu a fait disparaître leur lumière et les a abandonnés dans les ténèbres où ils ne voient plus rien. Sourate 2, verset 17. Quiconque dit la ilaha illallah et adore ses passions, son argent et ses biens et son bas monde, quelle sera sa réponse le jour du jugement à son Seigneur? Vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité? Sourate 45, verset 23. Malheur à l'adorateur du dinar, et l'adorateur du dirham, l'argent, et l'adorateur du velours. Si on lui donne, il est content, et si on ne lui donne pas, il est mécontent. Rapporté par Al-Bukhari. Si tu dis la ilaha illallah, et qu'elle ne loge que dans ta langue, elle ne sera pas fructueuse, et tu seras parmi les hypocrites. Si elle loge dans ton cœur, alors tu es croyant, et prends garde d'être croyant par ta langue, et non par ton cœur. Car sinon cette parole t'interpellera à vive voix. Mon Seigneur, je l'ai accompagné tant d'années, et il n'a pas reconnu mon droit, ni pris soin de ma sainte valeur comme il le devait. Cette parole témoigne pour toi ou contre toi. Pour le bon savant, elle va témoigner de son respect vis-à-vis d'elle, jusqu'à ce qu'elle le fasse entrer au paradis. Et elle témoignera contre le mauvais savant jusqu'à ce qu'elle le fasse rentrer en enfer. Un groupe au paradis et un groupe dans la fournaise ardente. Sourate 42, verset 7. La ilaha illallah est l'arbre du bonheur. Si tu le plantes dans la terre de l'acceptation et que tu l'arroses d'eau sincère et que tu prennes soin de lui, ses racines s'installeront profondément et son tronc sera ancré et ses feuilles deviendront vertes et ses fruits pousseront et ce qu'il produira sera décuplé. Il donne à tout instant ses fruits par la grâce de son Seigneur. Sourate 14, verset 25. Si tu plantes cet arbre dans la terre du mensonge et de la désobéissance, et que tu l'arroses d'eau d'ostentation et d'hypocrisie, et que tu en prennes soin par le biais de mauvaises actions et de mauvaises paroles, et que tu l'arroses de la source de la trahison, et qu'il subisse une bouffée de la chaleur du délaissement, ses fruits s'éparpilleront, et ses feuilles tomberont, et son tronc pourrira, et ses racines seront coupées, et il subira la tempête d'impureté, et il se trouvera entièrement déchiqueté. Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie, et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Sourate 25, verset 23. Si le musulman parvient à obtenir cela, il doit compléter le reste des piliers de l'islam, comme dans le hadith sahih. L'islam est fondé sur 5 piliers. Le premier, le témoignage qu'il n'y a aucune divinité si ce n'est Allah et que Mohammed est l'envoyé d'Allah. Et l'accomplissement de la salat, acquitter la zakat et le jeûne de Ramadan et le pèlerinage à la maison pour quiconque en a les moyens et quiconque mécroit, Allah se suffit à lui-même. Prière et paix sur Mohammed, sa famille et ses compagnons.